Les Nuits Terribles par Alphonse Brault. Première série, Le Crime de la Duchesse. Sixième partie, La Bataille des Millions. Chapitre 1er, La Dame au Voile Noir. Deux points importants sont restés dans l'ombre qu'il convient d'expliquer. Le cri de détresse poussé par Marcel et l'étrange disparition d'Octave de Vallombreuse. Nous procéderons par ordre de date. Et nous apprendrons tout d'abord à nos lecteurs pourquoi le jeune duc, si éperdument épris d'Irène, avait tout à coup cessé ses visites à l'atelier de Madame Renaud. Un soir, au moment où il prenait sa clé chez son concierge, celui-ci lui avait remis une lettre qu'un commissionnaire venait d'apporter. Octave, en voyant une écriture qu'il ne connaissait point, parut surpris. Il regarda le cachet. Ce cachet ne portait ni armoirie ni initiale. Il le rompit, déplia la lettre et lut ce qui suit. « Monsieur le Duc, vous aimez une adorable jeune fille à laquelle vous ne connaissez d'autre nom que celui d'Irène. Elle a le droit d'en porter un autre qui n'est point sans lustre. Si vous tenez à la prendre, trouvez-vous ce soir à 9h, derrière la Madeleine, au coin de la rue Tronchet. Un coupé vous y attendra. Vous direz au cocher « Quelle heure est-il » et il vous répondra « L'heure où le soleil est couché ». Vous montrez alors dans cette voiture qui vous conduira auprès de la personne qui vous renseignera sur le compte d'Irène. Ce billet, pour toute signature, portait ces trois mots « une amie inconnue ». Serait-ce une mystification ? Se demanda Octave. La réflexion ne tarda pas à lui démontrer le contraire. En effet, celui ou celle qui lui avait adressé cette lettre était au courant de secrets qu'il n'avait confié à qui que ce fût. D'un autre côté, son correspondant anonyme laissait clairement entrevoir qu'il connaissait le passé mystérieux d'Irène. Son parti fut bientôt pris. Au lieu de monter chez lui, il gagna les boulevards et, arrivé à la rue Tronchet, il entra dans un café. Au coup de 9h, il sortit du café et traversa la rue. Une voiture de maître stationnait à l'endroit indiqué dans la lettre. « Quelle heure est-il » demanda-t-il au cocher qui se prélassait sur son siège. Celui-ci dressa vivement la tête. « C'est là où le soleil est couché, » répondit-il. Puis il descendit et ouvrit la portière. Le jeune duc, sans la moindre hésitation, s'élança dans le coupé. Le cocher s'installa sur son siège et mit son cheval au grand trot dans la direction des Champs-Élysées. « Il paraît que mon ami inconnu appartient à la haute classe de la société, » se dit Octave en voyant la voiture se diriger vers l'un des quartiers les plus aristocratiques de Paris. Arrivé à la barrière de l'Étoile, le cocher prit l'avenue du Bois de Boulogne qui fut bientôt dépassée. Habiterait-on la campagne ? Pensa notre officier quelque peu surpris de se voir conduire aussi loin. Le Bois de Boulogne atteint fut traversé dans toute sa longueur. Le coupé filait, rapide comme une flèche, vers le parc de Saint-Cloud. Lorsque le cocher eut laissé le parc derrière lui, il longea la grande rue lui faisant suite et qui n'était éclairée que par des becs de gaz placés à assez grande distance les uns des autres. Puis il tourna à droite. Octave chercha à reconnaître dans quel endroit il se trouvait, mais ce fut en pure perte. La voiture, après une dizaine de minutes de marche, décrivit un coude et s'arrêta soudainement devant une grille donnant accès dans un petit parc. Au fond s'élevait une construction de moyenne grandeur, presque perdue au milieu des massifs d'arbustes. Le jeune duc, à ce qu'il paraît, était attendu. Car à peine le coupé se fut-il arrêté que la grille s'ouvrit pour lui donner passage. La curiosité de l'officier était vivement surexcitée, et il aurait bien voulu savoir où il était, mais les ténèbres l'empêchaient de distinguer les objets à 10 pas de lui. « Un camarade qui me surprendra ici, se dit-il en mordillant sa moustache, me croirait en bonne fortune et Dieu m'est témoin qu'il se tromperait. » Un domestique vêtu de noir qui se tenait, pareil à une ombre, sur le perron de la villa, descendit, abaissa le marchepied et, sans prononcer un mot, passa le premier pour indiquer le chemin au nocturne visiteur. Une lampe dont le globe était dépoli répandait une clarté voilée dans le salon où Octave de Vallombreuse fut introduit. Ce salon avait un aspect quasi lugubre. Partout des tentures d'un violet foncé. Le canapé et les fauteuils, en bois d'ébène sculpté, étaient recouverts de satin noir. Entre les deux fenêtres, on voyait une matière de la rosa en marbre blanc et au fond de la pièce, une magnifique toile représentant une Madeleine repentante. Au moment où le jeune duc entra, une femme voilée, agenouillé sur un prie-dieu placé devant cette toile, se leva lentement, semblable à la statue de la douleur. Il fit quelques pas au-devant de cette funèbre apparition, puis il s'inclina, attendant l'explication de cette réception plus qu'étrange. Alors la femme qui était devant lui souleva le voile noir qui lui couvrait le visage. Octave poussa un cri de surprise, et ses regards exprimèrent tout à la fois le mépris et la colère. « Célestine » fit-il. « Oui, moi » répondit-elle en rejetant brusquement son voile derrière sa tête. La pécheresse était vraiment superbe, dans sa tunique d'une couleur sombre, dont les plis dessinaient les beautés sculpturales de son buste. Mais ce qui ne pourrait se décrire, c'était l'expression de son visage pâle et cependant éblouissant dans sa chaude pâleur. Ses yeux noirs suppliants étaient à eux seuls tout un poème. Ils exprimaient en même temps la douleur, la résignation et la volupté. « Vous, c'est vous qui m'avez écrit !» reprit bientôt Octave d'une voix sourde. « Je vois bien que je vous fais horreur !» répliqua Célestine Marbeau. « Hélas, je m'y attendais, je devais m'y attendre. Et cependant, malgré cette certitude, je voulus tenter une épreuve qui ne pouvait m'apporter qu'un nouveau désespoir. » Ces paroles ne firent qu'accroître l'étonnement du jeune officier. Il se demandait pourquoi ses vêtements de deuil et quel coup de foudre avaient subitement frappé cette misérable créature autrefois si altière. Son premier mouvement avait été de fuir. Maintenant, il voulait rester. Il se sentait comme mordu au cœur par l'âpre désir de connaître le mot de cette énigme vivante. Célestine comprit que le moment était venu de faire feu de toutes ses batteries. Elle se laissa pour ainsi dire tomber sur une causeuse en désignant un siège au jeune duc de Valombreuse. « Vous me pardonnerez, n'est-ce pas » dit-elle avec un sourire plein de tristesse, « de n'avoir pu résister au désir de vous revoir avant de mourir. Vous avez 20 ans à peine et vous parlez de mourir, » fit Octave stupéfait. « Écoutez-moi, et vous comprendrez que je n'ai plus rien à faire en ce monde. Qu'a été ma vie ? Une suite d'actions mauvaises. L'or excepté, je n'ai cru à rien, pas même à l'amour, cette flamme qui vient du ciel et celui qui me tue. Vous aimez, vous ? Reprit l'officier d'un ton ironique. Comment ? C'est vous qui me le demandez ? Répliqua Célestine Marbeau en se voilant les yeux avec ses belles mains comme pour cacher son émotion. Ces mots mirent le feu aux poudres. Le duc de Valombreuse, pâle et les regards brillants de colère, se dressa tout d'une pièce devant elle. « Quelle infernale comédie avez-vous donc résolu de jouer cette nuit, madame ?» lui dit-il. « Me supposez-vous assez niais pour me laisser prendre vos impudentes paroles ? Croyez-vous donc que j'ai perdu le souvenir de toutes vos trahisons ? Si, depuis que vous m'avez ruiné et endetté, vous vous êtes prise de goût pour la solitude, et que de temps à autre, la fantaisie vous vienne de vous distraire, il y a sur l'asphalte parisien un assez joli stock de galants, et vous n'aurez que l'embarras du choix. Vous êtes assez belle pour ne pas rencontrer de cœur rébarbatif. Et si vous avez aimé jadis pour l'amour de l'or, vous pouvez aimer aujourd'hui pour l'amour de l'amour. » À mesure que le jeune officier fustigeait la pécheresse avec les lanières de son ironie, celle-ci courba la tête comme l'esclave qui subit un châtiment mérité. Peu à peu, elle avait glissé de la causeuse sur laquelle elle était assise jusque sur le parquet. Une fois là, elle se traîna vers un meuble, l'ouvrit, en sortit une cravache et la présenta à Octave. « Frappe !» lui dit-elle. « Et tue-moi, je te bénirai !»« Devenez-vous donc folle ?» répondit Octave en repoussant la cravache qu'elle lui tendait. « Tu ne comprends donc rien ?» fit Célestine Marbeau en se relevant et en lui pressant les mains à les tordre. « Tu ne comprends donc pas que tu es 1000 fois vengée de mes anciennes trahisons, que je t'aime toujours, que je n'ai jamais aimé que toi, toi seul au monde, entends-tu, et que je me meurs de la douleur de ton abandon ? Tu ne comprends donc pas enfin que si je t'ai attiré ce soir chez moi, au risque de me voir insulté et méprisé, comme je l'ai été tout à l'heure, c'est que mon amour pour toi est plus fort que la crainte de tes insultes et de tes mépris. Mais si vous m'aimez autant que vous le prétendez, » repartit Octave, qui ne savait plus que penser et croire, « pourquoi m'avez-vous si indignement trompé autrefois ?» Laisse-moi t'expliquer ce fait, plus fréquent qu'on ne le suppose chez les femmes de ma sorte, dit la pécheresse. Nous autres, les créatures que l'on paye, nous éprouvons parfois une telle honte de nous-mêmes qu'il nous semble que nous nous réhabilitons en accordant gratis nos faveurs à quelques pauvres diables. Ces revanches de nos cœurs blessés sont le plus souvent suivies de déceptions cruelles. est-elle de ces personnages auxquels nous avons fait la charité de notre amour? Nous l'aurions repoussé s'il était venu à nous avec des millions dans les mains. Voilà tout mon crime, et celui de la plupart des femmes de ma condition. Toi, Octave, continua-t-elle en l'enveloppant des caresses de son regard, toi, je t'aimais. Ah, pourquoi étais-tu riche? Je ne te demandais rien en échange de mon amour, pourquoi l'as-tu payé avec de l'or? Et cet amour profond que je te portais, je n'en ai compris toute l'étendue qu'après ta désertion. Alors, sais-tu ce que j'ai fait quand tu m'as quitté? Eh bien, j'ai renoncé à tous les plaisirs, j'ai fermé ma porte à tous les consolateurs qui l'assiégeaient, et je me suis enseveli dans cette retraite. Là, j'espérais t'oublier, mon Octave bien-aimé. L'oubli, hélas, n'est pas venu. Parfois, je souhaitais de vieillir tout à coup, dans l'espoir que ton souvenir s'effacerait de mon cœur avec les années. C'était vouloir l'impossible. Souvent, bien souvent aussi, j'ai songé au suicide. Mais comprends ma lâcheté, ou plutôt la force de mon amour. Toujours, j'ai reculé devant la mort, car mourir loin de toi, sans t'avoir revu, c'eût été mourir mille fois. Et maintenant que je t'ai revu, que je te vois, malgré toi, tu entendras ce cri sortir de mes lèvres et du fond de mon cœur. Octave, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le jeune duc de Vallombreuse, quelque empire qu'il eut sur lui-même, se sentait ému et tout frissonnant. Il était à demi vaincu. Célestine Barbeau le comprit. Il comprit en même temps que le dernier effort lui donnerait la victoire. « Vous me haïssez, » dit-elle en cessant de tutoyer Octave, « et vous avez raison. À votre place, je ferai de même. Vous aimez, m'a-t-on appris, une jeune fille merveilleusement belle. C'est elle qui héritera du trésor que je n'ai pas su conserver. Mais écoutez-moi bien. Je les connais, ces enfants naïves. Elles ne savent pas aimer comme nous autres, les femmes de plaisir, comme on nous appelle. Elles ont un petit cœur de glace, qui, s'ils font jamais, ne fondra que plus tard, sous la chaleur d'un second ou d'un troisième amour. Ce sont autant de poupées qu'on adore, jusqu'au jour où on le voit de près, les pauvres ressorts qui les font mouvoir. » Le jeune officier voulut protester. « Laissez-moi tout dire. Puisque cette heure doit être la dernière que nous passons ensemble, poursuivit l'habile comédienne, je suis au courant de votre petit roman, je le sais par cœur. Je sais que vous avez fait connaissance avec Irène comme le Terre-Neuve qui retire de l'eau un pauvre diable qui se noie. Ce rôle de sauveteur, vous l'avez pris au sérieux. Vous avez voulu le continuer lorsque les vêtements de l'enfant étaient séchés. C'est chevaleresque, cela. » Le jeune duc, à son tour, pâlit sous le fer chaud de ces paroles ironiques. Toutefois, il dédaigna de s'en montrer offensé. « Vous m'avez attiré ici, » répliqua le duc d'un ton glacial, « en m'annonçant que vous aviez d'importantes révélations à me faire au sujet des reines, et je les attends encore. »« Ne fallait-il pas, » répondit Célestine Marbeau, « me servir d'une amorce pour amener chez moi celui qu'à tout prix je voulais revoir ?»« Ainsi vous l'avouez, c'était un mensonge, un nouveau mensonge. »« Non, je n'ai pas menti, » repartit la pécheresse. « Je tenais en effet à vous renseigner sur le compte de cette jeune fille, puisque vous êtes assez aveugle pour ne pas voir le piège qu'on vous tend. Un piège. » « Avez-vous donc oublié cet ennemi implacable de votre famille, cette Flavia Morin, l'ancienne institutrice de vos sœurs, devenue à vos jours Miss Colfax et présentement garde-malade à l'Hôtel-Dieu, sous le nom de Sœur Paul ?»« Non, non, » murmura Octave de Vallombreuse, « mais qu'a-t-elle à faire en tout ceci ? Irène ne va-t-elle pas la voir une ou deux fois par semaine et ne passe-t-elle pas de longues heures auprès d'elle ? Je le sais, et puis après. Et savez-vous que Sœur Paul, ou Flavia Morin, pour mieux dire, se retranchant derrière le vif intérêt qu'elle feint de porter à Irène, l'associe au hardi projet qu'elle a conçu du fond de sa cellule. Quel projet ? Une dernière vengeance qu'elle médite contre le dernier représentant de l'une des plus vieilles familles de France. Elle s'est mise en tête de vous faire épouser à vous, duc de Vallombreuse, une enfant trouvée, sans nom et sans famille. Qu'importe, puisque j'aime Irène et que j'en suis aimé. Aimé. Voilà le grand mot lâché. Mais quelle preuve avez-vous de son amour? Elle vous a dit qu'elle vous aimait. Mais, mon pauvre Octave, elle vous récitait tout simplement le soir la leçon que Flavia Morin lui avait apprise le matin. Ah, c'est calomnié, Irène. Le titre de duchesse vaut bien quelques semblants d'amour, continua perfidement Célestine. Votre Irène, toute naïve qu'elle est, le comprend. Et elle joue son jeu le mieux qu'elle peut. ils s'en tirent assez bien, puisque vous vous y êtes laissé prendre. Au fond, qu'épreuve-t-elle pour vous? Un banal sentiment de reconnaissance, mais rien de plus, mon cher ami. Si elle t'aimait, ajouta-t-elle en s'animant, elle serait depuis longtemps ta maîtresse. Et ne viens pas me parler de devoir, de scrupules, de vertu, autant de mots creux. Lorsque l'amour vous tient, on songe bien à cela, ma foi, on marche sur tout, sans honte comme sans remords. Est-ce que moi, pour te revoir, je n'ai pas foulé sous mes pieds tout orgueil? Est-ce que je n'ai point bravé tes dédains, tes mépris? Qu'ai-je répondu tout à l'heure à tes insultes, à tes injures? Je t'ai répondu « je t'aime, je t'aime ». Tu me maudirais, tu me tuerais, que sans cesse, et jusqu'à mon dernier soupir, le même cri sortirait de mon cœur, qui n'a jamais battu que pour toi. Célestine Marbot, tout en parlant ainsi, était vraiment magnifique à voir. Son regard, sa voix, son visage, ses gestes, tout en elle personnifiait la passion parvenue à sa plus haute puissance, et des larges plis de sa tunique noire, il s'échappait comme des effluves d'une volupté contagieuse. On a beau dire, rien n'est plus faible que le cœur de l'homme, et les résolutions les plus énergiques finissent toujours par s'émousser devant la femme qu'on a follement aimée, si perverse que soit cette femme. Plus Octave regardait cette misérable créature pour laquelle il avait gaspillé sa jeunesse, sa fortune, et renié les saintes affections de la famille, et plus il découvrait en elle des beautés qui jetaient le trouble dans ses sens. Toutefois, il voulut se soustraire à cette fascination qu'il subissait et dont il rougissait. Il fit un pas vers la porte. Mais Célestine Marbot le couvait des yeux comme une bête fauve faite de sa proie. D'un bond, elle s'élança vers lui, l'étreignit dans ses bras, et le magnétisant avec son regard d'où jaillissaient des étincelles, elle murmura « Oh, ne t'en va pas, ne me quitte pas ce soir, je ne le veux pas, je ne le veux pas !» Le lendemain, Octave de Valambreuse s'éveillait dans le chalet de Célestine Marbot, et il faisait porter à son colonel une lettre dans laquelle il lui demandait une permission d'un mois. La scène, étrange, inattendue, que nous venons de raconter, n'avait point eu pour mobile un caprice de la jolie pécheresse à l'endroit d'Octave de Valambreuse. Elle était tout simplement le résultat d'une visite que l'ami Fritz lui avait rendue la veille. Fritz, chargé, comme on le sait, par le baron Walker, d'entourer Irène d'une surveillance de tous les instants, n'avait pas tardé à remarquer ses visites à Miss Colfax, devenue sœur Paul, et le manège amoureux du duc de Valambreuse. Il ne s'effraya tout d'abord que modérément des assiduités d'Octave près d'Irène, pensant que ce n'était qu'un feu de paille qui s'éteindrait aussi vite qu'allumé. Mais quand il vit que ce feu menaçait de tourner à l'incendie, il comprit qu'il importait de l'arrêter dans sa marche sans plus de retard. Alors il était accouru rue de Courcelles, informer Célestine Marbot de ce qui se passait, et la prier de débarrasser le baron de ce dangereux rival. Reconquérir un amant qu'on a jeté à la mer après l'avoir ruiné n'est pas chose facile. Mais Célestine était jolie fille, de plus, habile comédienne. Elle ne douta pas du succès et fit écrire par sa femme de chambre au jeune duc le billet anonyme que nous connaissons. Octave était venu et il était retombé sous la domination de son ancienne maîtresse. À présent, nous allons raconter les graves événements qui avaient motivé le cri d'alarme poussé par Eve et Marcel et contribué si puissamment à faire sortir Miss Colfax du cloître et à faire partir brusquement Maître Maxou pour l'Amérique.